France Inter. François Morel, à vous. Oui, bonjour Nicolas, je suis actuellement en reportage au cœur de la France afin de trouver le bout du tunnel qui aurait été annoncé le 11 mars dernier par le Premier ministre lui-même, Monsieur Castex, qui avait déclaré, je le rappelle, dans Society, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas le bout du tunnel au printemps. Nous sommes au printemps et donc le bout du tunnel ne devrait plus tarder à apparaître. François, François. On m'interrompt, il semblerait que le bout du tunnel soit imminent. Oui, Camille. Oui, François, parce que je crois que là on devrait bien... Oui, Camille est plus à même d'apercevoir le bout du tunnel puisqu'elle est juchée sur un tabouret avec une paire de jumelles. Surtout, vous n'hésitez pas, Camille, à intervenir aussitôt et dès que vous l'apercevrez. Okay. Monsieur Johan Lundgren, le directeur général d'EasyJet, à l'occasion d'une vidéoconférence, a affirmé que le bout du tunnel était bien en vue, mais que la sortie était encore loin. Le commissaire européen Thierry Breton a affirmé que l'accélération de la production des vaccins permettait à l'Europe d'ores et déjà de voir la lumière au bout du tunnel. Il semblerait donc que la lumière soit visible pour l'Europe, mais pas encore pour les Européens. Mais non, je vous confirme, là, je suis sur le coup, mais pour l'instant, je vois rien. Rien. Donc, Camille, donc, à la recherche du bout du tunnel, souvent annoncé, mais apparemment toujours invisible. Classe. Le chef du pôle urgence et du SAMU du Nord au CHRU de Lille croit sincèrement qu'on est au bout du tunnel. Hélas, il semblerait que la lumière n'y soit pas encore visible. Pour certains, il semblerait que le bout du tunnel soit au bout de la seringue. Étape supplémentaire, donc, puisqu'il faudrait franchir le tube de la seringue avant de pouvoir accéder au dit tunnel. Ah là là là là. Non, le bout du tunnel aurait été vu par le Portugal, par les Bleus, par le FMI, mais généralement il est plutôt entrevu que vu, notamment par le tennisman canet Jules Marie, par le club de handball de Besançon, le GBDH, par les résidents d'EHPAD du Lot-et-Garonne, par le club de pétanque des Bains dans l'Isère. Alors, certains verraient le bout du tunnel, pas pour eux, mais pour d'autres. Ainsi, le directeur sportif du PSG, Leonardo, voit le bout du tunnel pour Neymar. Longtemps avant le début de la pandémie, puisque c'était en 1974 exactement, notons que le bout du tunnel avait déjà été aperçu par monsieur Jacques Chirac. « Nous sommes repartis sur une meilleure voie », avait-il dit, « nous apercevons le bout du tunnel ». Monsieur Georges Segui, secrétaire général de la CGT, avait répliqué « s'il voit le bout du tunnel, c'est qu'il marche à reculons et qu'il confond l'entrée avec la sortie ». C'est peut-être ce qui expliquerait l'absence de visibilité actuelle de ce fameux bout du tunnel. Ah, si, François, là. Camille, Camille, alors. Oui, là, je crois que... Ah oui, non, pas de... Non, toujours pas. Bon, mais écoutez, nous n'hésiterons pas à interrompre les programmes si le bout du tunnel faisait enfin son apparition. Formidable François Morel avec la complicité de Camille Chamou. France Inter.